La conversation scientifique par Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici très nombreux et à vous autres qui êtes ailleurs encore plus nombreux chez vous ou bien dehors ou bien dans votre voiture. Je suis très heureux de vous retrouver depuis la grande et magnifique salle du théâtre de l'Odéon à Paris pour le cinquième et dernier épisode de notre cycle d'émissions enregistré en public et intitulé « Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas ». L'idée qui nous a menés vers ce thème est toute simple. Je rappelle le constat implacable d'où elle est partie. Ignorer qu'on ignore, c'est de fait ne rien savoir. Tandis que savoir qu'on ignore suppose de vraiment savoir tout ce qu'on sait. Et c'est donc l'affaire des savants. Alors chaque fois, en compagnie de mon fidèle complice Léon Bonafé, qui lit des poèmes et nous fait part de ses propres réflexions, nous demandons à notre invité ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas à propos de tel ou tel sujet. Le climat, la conscience, l'univers par exemple. Aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi, c'est tout bonnement nous les humains. Que savons-nous de ce qui nous détermine, de notre façon de fonctionner, de ce que peut notre corps, et que savons-nous de ce qui nous attend, de ce que nous allons devenir dans l'environnement qui est le nôtre et qui n'est plus tout à fait la nature. À écouter les uns et les autres, nous sentons que l'affaire n'est pas claire et que nous allons avoir besoin des lumières d'un spécialiste travaillant avec d'autres spécialistes. D'aucuns nous annoncent que la médecine la plus sophistiquée, couplée aux technologies les plus nouvelles, prépare l'avènement d'un homme dit « augmenté », dont nos ridicules limites actuelles peinent à concevoir l'étendue des facultés, notre seule gloire étant de concourir à l'avènement de cette nouvelle espèce qui portera sur nous un regard de pitié condescendante et incrédule. Mais d'autres nous expliquent le contraire. Ils nous disent que ce n'est pas cela du tout qui se profile à l'horizon, que l'homme en réalité stagne, sature, qu'il n'est pas capable de s'adapter à ce qu'il est lui-même devenu, ni aux modifications de l'environnement qu'il a inlassablement provoqué. Ils ajoutent que l'homme, même averti, éclairé, sermonné, continuera par exemple à saccager les ultimes ressources naturelles. Bref, que s'en sera bientôt fini de ce que Romain Gary appelait l'affaire homme. La question est, qui a raison ? Et pour le savoir, nous avons invité Jean-François Toussaint. Bonjour Jean-François Toussaint. Bonjour Étienne, bonjour à toutes. C'est très difficile de vous présenter, parce que quand on lit votre biographie, on voit qu'elle est multiple. Vous avez plusieurs vies, vous avez été sportif de haut niveau, vous avez été champion de France de volleyball avec Asnières en 1984, puis vous avez été médecin, pionnier dans le domaine de l'imagerie fonctionnelle cardiaque, professeur de physiologie, puis cofondateur et directeur de l'IRMES, qui est l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport. J'ai lu quelque part qu'en 1987, vous avez, dites-vous, atteint vos limites sportives. Vous aviez quel âge ? J'avais 24 ans, c'est-à-dire le pic de forme, globalement. C'est-à-dire qu'après 24 ans, ça décline ? Ça diminue. C'est quand même assez tôt, non ? Désagréable. Et donc, c'est quelque chose qu'on ressent ou c'est simplement quelque chose qui est induit par la non, pression du sélectionneur? C'est quelque chose qu'on ressent parce que on se donne toujours des objectifs et donc on a tous envie et ça va être une des grandes questions de la recherche, de la mienne en tout cas et du groupe que je dirige actuellement, de savoir ce qui est le moteur de la croissance individuelle, ce qui nous amène à finalement progrès après progrès, étape par étape, à pouvoir dépasser, repousser nos limites jusqu'à ce que tout d'un coup survienne l'ultime, celle de son record personnel qui restera pour Usain Bolt comme pour Étienne Klein et Jean-François Toussaint, l'un des sommets de ses capacités dans tel ou tel domaine. Et puis ensuite, l'âge prend son temps, l'entropie progresse à l'intérieur de nous et on voit progressivement un certain nombre de limites, un certain nombre de difficultés de maintenance de tous ces systèmes et puis on rentre en insuffisance, on rentre en impotence, on rentre en incontinence. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont très agréables à suivre mais qui malheureusement manifestent la progression de ce temps. Vous avez beaucoup travaillé. Mais si on passe par le maximum aussitôt, 23, 24 ans, je parle du maximum de forme physique, Comment se fait-il qu'on dure aussi longtemps après ? Ben parce que la descente est beaucoup plus lente que la montée. C'est le contraire de l'alpinisme alors ? Absolument. Quand on se rate en alpinisme... On monte vite et on descend lentement. Ouais. Et de fait, on a vraiment une question autour de ce que sont ces deux fonctions-là. On va parler des invariants peut-être, on va regarder ce que sont ces lois scalaires, les lois d'échelle qui font qu'on retrouve systématiquement à tous les niveaux des fonctions qui sont tout à fait similaires à l'échelle de la cellule, à l'échelle de l'organe, à l'échelle de l'individu, à l'échelle de la communauté, de la société et de l'espèce. Et ces grandes lois qui fonctionnent avec les mêmes règles, quel que soit le niveau, finalement, on en a utilisé une plutôt que démontrer, cette loi de Moore qui monte et qui descend, qui nous monte et qui nous ramène. Et ce lien-là, il est valable quel que soit finalement le site où on l'étudie, quelle que soit l'espèce, puisqu'on l'a montré, y compris chez le tout petit ver nématode, le Caenorhabditis elegans, achoum, mais très élégant néanmoins, et qui montre que sur ces aspects, on a une continuité dans le vivant extraordinaire et qui vient probablement de ce que sont les règles de l'inerte qui précèdent le vivant et qui s'applique à lui une fois que cette émergence du vivant sur Terre va nous donner toutes ses possibilités. Alors je vous propose, Jean-François Toussaint, que nous menions l'émission comme une bonne dissertation, c'est-à-dire en trois parties. Première partie, nous avons examiné ce qui nous détermine, les invariants dont vous venez de parler, ensuite de ce qui est en train de se passer, et enfin de ce qui va advenir, de ce que nous savons, de ce que nous allons devenir compte tenu des modifications que nous apportons à l'environnement. Alors commençons par ce qui nous détermine. Vous avez parlé à l'instant d'invariants. Est-ce qu'il y a des invariants qui valent, comme celui que vous venez de citer, pour l'ensemble des espèces? Et qu'est-ce qu'ils indiquent sur le processus d'évolution? Alors très clairement, ce que l'on voit, c'est que cette émergence du vivant procède de des 10 milliards d'années de soi-disant ce monde inerte, qui ne l'a jamais été en fait, mais que décrivent vos lois, donc les lois de la physique, qui décrivent le physis, en grec l'univers, vont finalement entraîner les lois qui vont parler de l'univers, donc le physis logos, la physiologie, qui sera jamais qu'un autre discours sur le monde. Et la façon dont ce monde se constituera va totalement dépendre de ces prémices, qui sont quand même le résultat d'une dizaine de milliards d'années globalement, peut-être un petit peu moins si on considère que certaines étapes ont pu précéder ce qui se passe sur Terre. On voit sur les comètes un certain nombre de composés, d'acides aminés, qui sont déjà ceux que l'on va retrouver par la suite. Et on imagine qu'il puisse y avoir, en tout cas ailleurs, compte tenu des probabilités, d'autres formes de complexité de ce lien très fort entre l'énergie présente, l'énergie qui va au sein des lois de l'univers se spécialiser, diffuser, se réduire, disséminer, et progressivement offrir de plus en plus de complexité. Et ce sont ces formes du complexe, là, finalement, qui prendront le visage du vivant sur Terre. Alors le visage du vivant, ce sera d'abord des molécules autoreproductrices, donc elles vont copier leur forme, puis elles vont se mettre dans une membrane en protection, un petit peu à l'abri, les unicellulaires, et puis ils vont se réunir ensemble en pluricellulaires, et puis les fonctions vont devenir de plus en plus complexes, on va voir émerger de plus en plus d'options, et on aboutira ensuite aux deux grands règnes, du végétal, de l'animal, sans oublier ceux qui restent du début, les bactéries, les virus, qui continuent d'être parmi nous, hein, et qui ont une extraordinaire importance sur ce que nous sommes. Et par la suite, on verra de là naître des formes complexes qui aboutiront aux mammifères, et aux mammifères à la pensée la plus complexe, peut-être, mais rien ne nous dit que ce soit réellement le cas. Et donc il y aurait des lois physiques qui, de façon assez souterraine, détermineraient les propriétés du vivant et installeraient les invariants dont vous parlez ? Ah, totalement, puisque ce que l'on voit par exemple dans une forme qui a été sélectionnée extraordinairement tôt dans le vivant, celle qui nous définit notre fréquence cardiaque. Il va y avoir un échange très simple sur une espèce, un potassium, voilà, un ion potassium qui se balade, on a du sodium et du potassium, du sel et du poivre. Et cet ion potassium, finalement, dès que les premières bactéries arrivent à faire ce dialogue entre l'intérieur de leurs cellules et l'extérieur, elles passent par le choix d'acides aminés et le choix d'interactions qui sont purement de la physique et purement de l'oscillation de ce que sont finalement les capacités de l'ion potassium lorsqu'il est dans l'eau ou lorsqu'il est dans la membrane cellulaire. Et bien ce choix, une fois qu'il est fait, les acides aminés qui seront pris, la structure de la protéine, c'est la même chez nous. C'est-à-dire qu'on a 3 milliards d'années de recul sur cet élément-là qui montre qu'une fois choisi, une fois que le problème a été localement optimisé, il est conservé pendant tout le reste du temps dans l'univers qui nous concerne, c'est-à-dire ici. Alors pour prendre un autre exemple, la variation des, disons, des performances physiques avec l'âge, est-ce qu'elle obéit elle aussi à des lois invariantes ? Mais c'est bien la question qu'on se pose actuellement, puisque ce que l'on voit sur cette fonction de décroissance, qui est un des deux termes de cette loi de Moore, qui n'est pas celle des transistors, mais celle de Dan Moore, qui remonte à 75, on a réussi à le montrer quasiment sur tous les domaines du sport. Les modules chronométrés, que ce soit le 100 mètres nage libre, que ce soit le 400 mètres haies, que ce soit le lancer du poids, ou à chaque fois on retrouve et on explique avec cette fonction mathématique simple. Il faut quand même l'adapter à des paramètres qui sont particuliers à la discipline qu'on regarde. Même pas. Les paramètres pour le 100 mètres sont pas les mêmes que pour le... Même pas. Même pas. La c'est loi... C'est un invariant... Est la même. La loi est la même, quoi que vous fassiez. Et même à ce point que lorsqu'on va la tenter, on va essayer de la comprendre, sur des sports aussi complexes que le rugby, qui est quand même un sport de combat collectif assez particulier et assez compliqué, à décrire en tout cas, en termes mathématiques, eh bien, lorsqu'on regarde la capacité de Johnny Wilkinson, qui a été l'un des plus grands numéro 10 champion du monde en 2003, finalement, cette courbe pour la transformation, le nombre de pénalités qu'il transforme au cours de sa carrière, passe strictement par la même loi. Et il culmine l'année où il est champion du monde. Donc on a exactement les mêmes choses qu'on s'appelle Usain Bolt, Marie-Jo Pérec, qu'on s'appelle qu'on soit sur des rings ou sur des terrains de basket, on a à chaque fois cette capacité qui va culminer mais à un âge particulier. Les exemples que vous citez sont des champions. Est-ce que c'est vrai pour un individu qui n'est pas un sportif de haut niveau ? C'est la même, chacun en fait l'expérience, on sait qu'on a envie chaque année de grandir, de développer, de pousser ses réalisations et donc de se dépasser. Dans l'adolescence, on sait que entre 20 et 30 ans, on va quelque part avoir cette capacité. Et pour ceux qui ont passé ces âges-là, on sait qu'à partir de là, progressivement, il y a des petites choses qui nous réduisent, qui limitent, qui donnent ces signes malheureux de défaut de maintenance que le vieillissement va finir par sanctionner. Léon Bonafé, vous avez quel âge ? J'ai 29 ans. Ben, ça fait longtemps que c'est en train de tomber. Je suis en chute libre là, depuis quelques années. Ouais. La chute libre... n'en est pas à son coup d'essai. Non. Alors, vous êtes médecin, Jean-François Toussaint, et je crois que Léon a trouvé un texte qui évoque des problèmes qui pourraient être des problèmes d'avenir assez conséquents. Je pense, ouais. On va commencer, oui, en fanfare, puisque c'est avec Jean-Pierre Verhaeghen qu'il m'arrive de lire parfois ici. Plus que parfois. Hein. Voilà, un petit peu plus. Et un portrait de l'artiste en castafiore catastrophique. Ma bête. Mon bestiau, que dis-je, mon troupeau, mon entier troupeau, car il y a au moins 200 à 300 animaux qui tantôt trépignent au paddock de ma carne, tantôt s'y prélassent à la ronflette, paillasse et matarasse, enflant démesurément ma yourte de grands couturés au ragnagna du rabachi. Mon pauvre corps, mon cher ami, mon vieil amas, tout est pli et dépit, n'est-ce pas? Et c'est ainsi, s'en sera bientôt fini de vous et moi réunis. On a beau se dire qu'Éole a trop longtemps vécu à la colle avec Gradouble et Baudruche avec Trucmuche en lui faisant des kiliques au Trouduc, quand ce n'était pas des lèches à la toundra, on n'y coupe pas. Succulate, succulate. Succulent tout ça, mais cachochtoum, tôt ou tard, la bedonie nous rattrape, qui nous lorgnait déjà à la gonflette et regonflette. Il nous faut passer à la caisse. Désastres et défaites se font de plus en plus esperluettes. On devient un vivant échec. Une grosse bibiche larvaire et mollet fliche, une désarticulo mortis, un bombix apter, un sac à merde, une auge à peau. Voilà qu'on considère avec effroi les chouchounes de son derme et les bourrelets flashouilles qu'on a au bas de nos bajoux à grimace. On fait en effet la grimace. Catastrophe. La Castafiore est dans la place qui entonne sur le champ son grand air outragé de Faust et Margarine. Comme si elle avait jamais suivi le moindre régime, la garce. La garce pour ne pas dire la graisse. Faux vraie cuve. Car quel régime serait-ce, sinon de république bananière ou de basse messe en si grand nombre de promesses mensongères, alternant les diètes Irae et les diètes Ilia de toutes les diététiques qui soient, pour nous faire tomber de carême en sauna sans perdre un seul kilo de notre poids. C'est que Frigidaire, bras ouverts 24 heures sur Anka, est devenu le nom de notre vrai faux frère. Et flatulence, ventosité et soi-disant aérophagie, celui de nos sœurs harpies, qui s'appellent en réalité boulimie, gloutonnerie et hypertrophie au pays de ballonnie et de rotondité. Tout en nous est désormais obésité, polysarcie. On n'a pas pu s'arrêter, y compris devant la télé. On a trop forcé sur la bibine et le chocolat. On s'est goinfré de lécithine, de ganache et de diandoura. Pire, on a laissé Monsieur Pralin fourrager sous nos yeux et sans vergogne, avec sa queue à liqueur et son nougat de grand manifafa, Madame Praline dans l'armoire aux langues de chat. Mais ça se voit, on s'en est fichu jusque-là, au ras des meules, plein les gencives, plein le burlingue, jusqu'à plus de place. On est devenu un aval-tout, crevard, bouffe-tout, un morfalou. On s'est tapé plus d'un Balthazar, à en chier partout. Il est dit dans ce texte, tout autour, la bedonie nous rattrape, qui nous lorgnait déjà à la gonflette et regonflette. Est-ce que la bedonie, l'obésité, fait partie des sujets qui vous préoccupent, Jean-François Toussaint ? Oui, entre autres, puisqu'elle va avoir des effets sur la morbidité, sur la mortalité. Mais pour revenir au texte, c'est des points sur lesquels les morpionibus qui ont failli apparaître au détour des vers seraient tout à fait heureux au milieu d'une salle de garde, clairement, pour ce texte-là. Oui. Pour les obésités, on voit que l'effet qui va venir de ces changements de conduite va rejoindre un petit peu le comportement, les difficultés qu'on a à comprendre les maladies actuelles, la modernité de ces grandes épidémies, qui ne sont pas des épidémies infectieuses, mais qui sont des circonstances qui s'appliquent à tous et sur lesquelles on a vu ces changements considérables de nos corps, du corps de nos contemporains, par rapport à ce qu'ont été des règles aussi anciennes que celles que l'on citait, en particulier celles du manque. Celle du manque de nourriture, celle qui nous faisait rester sur le côté un peu de l'anticipation des jours sombres, et donc qui font que lorsque l'abondance apparaît, et elle apparaît principalement au XXe siècle, dans certaines sociétés, pas encore sur l'ensemble des pays du monde, mais dans certaines sociétés, va conduire à cette incapacité à arrêter tout de suite, à se rendre compte assez tôt de ces besoins qui sont les nôtres, à nouveau des besoins d'énergie, hein. C'est toujours une question entre l'énergie et l'entropie qui se passe là, et donc du coup on va avoir deux effets principaux, celui de l'augmentation de la taille des populations d'abord, et puis une fois qu'on a atteint le maximum, ça fait à peu près 20 ou 30 ans, et ben on va enfler, bedonner, comme l'a dit. Et cet aspect, à ce moment-là, va conduire depuis 50 ans pour les pays anglo-saxons, les États-Unis en premier, mais pour les pays développés ensuite, et puis pour les pays émergents. Hein, le même phénomène se passe en Chine actuellement, alors que le nombre de calories par habitant est quand même encore inférieur, mais on voit cette proportion qui ne cesse d'augmenter. Donc on a des impacts qui sont importants, et il y en a un autre qui va venir juste derrière, c'est l'idée que si on a des entrées, des apports importants, ben il faut juste qu'on soit capable de mettre les dépenses, les sorties à niveau. Donc là, c'est une question qui rejoint celle dont on parlait tout à l'heure. Mais est-ce que vous comprenez à partir des invariants que vous avez évoqués, pourquoi lorsque la taille sature, d'abord pourquoi est-ce qu'elle sature ? C'est la largeur qui est condamnée à augmenter quand les apports sont trop importants. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas croître un peu comme des vers de terre ? Ben parce que le ver de terre, déjà lui-même, ne fait pas 2 mètres de hauteur, il ne fait pas 2 mètres de long, il ne fait pas 130 mètres de haut, comme le font les séquoias, il ne vit pas 6000 ans. Il est obligé de passer par des cycles du vivant qui lui imposent ce temps de la reproduction, donc ce temps de la croissance, puis de la transmission à la génération suivante. Et tous ces aspects-là sont coordonnés, sont sélectionnés et sont optimisés. Et donc on va avoir à toutes les échelles des fonctions d'optimisation qui font que, pour une raison qu'on ignore, mais parce qu'elles précède à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, peut-être le vivant, l'idée que cette sélection naturelle s'applique à des moments, à des problèmes résolus localement, avec une maximisation de l'entropie. Certains vont utiliser ces mauvais termes, qui sont juste une meilleure façon d'avoir un rendement utile de l'énergie qu'on va déployer. Finalement, on le fait dans le cadre d'un génome qui est le nôtre. Ben, notre génome ne nous permet pas d'atteindre les 130 mètres de haut. Voilà, probablement la moyenne qui est actuellement 1,79 m en France, 1,82 m aux Pays-Bas, donc on a des variations, bien sûr, a été atteinte dans les conditions nutritionnelles et on retrouve des problèmes d'énergie, donc d'alimentation pour chacun, per capita, par individu, est arrivé à une observation qui a été publiée récemment de ces plafonds. Et puis du coup, après, il y a une autre facette qui, elle, n'est pas aussi limitée que celle de la taille, c'est celle de la façon dont on peut remplir le sac, comme disait Léon tout à l'heure. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, il y a deux études que vous avez menées avec votre équipe, entre autres Jean-François Toussaint. La première porte sur l'espérance de vie des sportifs de haut niveau. On dit souvent que le sport c'est bon pour la santé, mais qu'en faire trop c'est mauvais. Or, vous avez montré que l'espérance de vie des sportifs de haut niveau est beaucoup plus longue, 7 ans, que la moyenne des gens. Est-ce qu'on comprend ce phénomène? C'est une corrélation, mais est-ce qu'on peut trouver les causes qui expliquent cette corrélation? Alors si on reprend les liens que l'on a cherché à creuser justement entre ces grands invariants, il y en a une entre la courbe qui nous donne notre potentiel, qui culmine et puis qui décroît, c'est celle qui relie tous les points finalement de nos records personnels, mais à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur de l'espèce. Et celle-là, c'est la courbe de progression finalement, des maxima de l'espèce, celle des records du monde. Et elle est extraordinairement bien suivie depuis... plus d'un siècle, puisque le sport démarre au 19e siècle, possède ses archives depuis la fin du 19e, et depuis plus de 120 ans, on voit des fonctions mathématiques qui s'appliquent extraordinairement bien à décrire l'ensemble de ces, et qui aboutissent toutes à une asymptote, en même temps qu'aboutissent la constatation des plafonds de la taille et de l'espérance de vie. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de saturation généralisée, voilà, de la taille, de l'espérance de vie et des performances sportives. Le phénomène actuel, pour l'instant, on ne l'a montré que sur ces trois champs-là, mais les champs sont, semble-t-il, beaucoup plus importants. Et donc, le fait d'avoir ces relations, le fait d'avoir ces constats, le fait d'avoir ces plafonds, montre que on va avoir des facteurs communs qui vont préparer potentiellement, c'est cette fonction de croissance, la façon dont on va croître tous ensemble, jusqu'à arriver à l'expression de ce potentiel. Et ça veut dire, entre autres, que ceux qui ont la plus haute performance sont aussi ceux qui vont avoir la durée de vie la plus longue. Une des clés de la démonstration, là, est liée au fait que quand on voit la distribution des possibles, donc ce qu'on appelle la distribution des phénotypes, en médecine ou en physiologie, on va avoir depuis Usain Bolt, qui est celui qui court le plus vite, par exemple, jusqu'au patient qui, lui, souffrant d'une myopathie, ne peut plus se déplacer, c'est-à-dire qui a la vitesse zéro, on a entre deux la totalité de l'étendue des capacités humaines. Et donc, à partir de là, on peut très bien comprendre ce qui se passe dans tel ou tel cas, comment on peut progresser, y compris lorsque ces déficiences nous touche. On peut avoir ces relais technologiques, on voit comment la technologie change la physiologie, permet de développer quelque chose, et comment elle va s'appliquer au sport, comme elle va s'appliquer à l'ensemble des patients qui vont souffrir d'une diminution d'une capacité de leurs reins, de leurs poumons, de leur système cardiovasculaire. Et donc à partir de là, les bénéfices que l'on va tirer de cet immense développement des technosciences appliquées au médical va permettre d'augmenter, de réduire la morbidité et d'augmenter la longévité des cohortes de patients que l'on va suivre. Et donc toute l'idée, c'est de trouver à démontrer ce que sont ces liens entre une expression d'une capacité et finalement la durée de vie. D'où vient que l'espérance de vie des sportifs de niveau est plus longue que la moyenne et que l'augmentation de longévité qu'ils ont est la même quel que soit le sport, qu'il s'agisse de sport d'endurance, de sport, au contraire d'intensité, c'est la même chose. Est-ce que c'est parce qu'ils sont mieux suivis médicalement? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des prédispositions qui les font à la fois avoir une grande espérance de vie et des performances sportives très élevées. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que ce que vous allez démontrer, c'est une corrélation. On est d'accord. Alors, pour redescendre en dessous de la corrélation... C'est pas parce qu'ils font du sport de niveau qu'ils ont une grande absolument. Espérance de vie. Ce qu'il faut après, c'est étudier les causes de mortalité. Et donc, reprendre, comme c'est le cas pour tous les groupes de sujets, de patients que l'on va suivre, c'est regarder de quoi ils souffrent au cours de leur vie et de quoi ils décèdent. Et donc on regarde à ce moment-là et on prend les grandes causes qui sont, en France comme dans la plupart des pays développés, les maladies cardiovasculaires, le cancer, c'est la première d'entre elles actuellement, et puis toutes les autres causes, y compris les maladies infectieuses, les traumatismes, etc. Et ce que l'on constate, c'est que, hormis les traumatismes qui peuvent être mortels, pour certains sports exposés, hein, et essentiellement les sports qui mêlent la vitesse avec la performance, ça va être le ski. On a eu le décès de David Poisson au Canada l'année dernière, dans sa préparation aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. On a des décès sur des descentes de col en cyclisme sur route, le dernier à Wouterweiland sur le Tour d'Italie en 2011. On a des impacts qui sont liés à ces effets-là, mais en dehors de cela, ce que l'on voit, c'est que toutes les mortalités sont réduites de moitié. Globalement, on gagne 50%. Et donc, tous les impacts que l'on va avoir en population générale chez les sportifs de haut niveau, en raison de leur performance augmentée sur le plan cardiovasculaire, les débits cardiaques sont une fois et demie ceux de la population générale, de leur capacité pulmonaire, leurs débits pulmonaires sont 1,5 à 2 fois ceux de la population générale, de l'ensemble de prédispositions qui vont y compris aller jusqu'à probablement un microbiote de très haut niveau pour Usain Bolt. Je vous rappelle qu'il était capable de manger, juste avant son titre olympique à Pékin, des chicken wings au McDonald's du village olympique. C'est vous dire que la préparation nutritionnelle, pour certains côtés, peut être tout à fait parcellaire. Et néanmoins, ce que l'on voit... Était, si je puis me permettre, il était aussi aidé par son anagramme. Qui était? Usain Bolt, ça donne « il nous bat ». Et donc, à partir de là, on voit que lorsque ces prédispositions, ces capacités, ces performances d'organes sont présentes, elles sont associées à une durée plus longue. Pour un principe que l'on détaille au fur et à mesure qu'on comprend sur le plan biologique, qui est aussi celui de la performance cellulaire, et celui qui fait que les compétitions à l'intérieur des organes se produisent, ce qu'on appelle la compétition cellulaire, qui fait que l'on ne va progressivement avec le temps, et dans ses fonctions d'évolution dans la maintenance et le vieillissement, on ne va tenter de sélectionner que celles qui fonctionnent encore bien, et les autres, on s'en débarrasse. Alors c'est déjà le cas dans la partie de développement, on ne va garder dans un organe fonctionnel et parmi des cellules qui ne cessent de se parler les unes les autres, avec leur langage propre, avec leurs mots personnels, finalement, elles ne garderont entre elles que celles qui sont les plus performantes. Jean-François Toussaint, j'ai rappelé tout à l'heure que vous avez été pionnier dans le domaine de l'imagerie fonctionnelle cardiaque. Et Léon Bonnafé a un texte dans lequel le mot cardiaque joue un rôle inattendu. Oui, c'est une espèce de fable pédagogique finalement d'Alphonse Allais, l'explorateur. Ah, j'en puis raconter de tragiques histoires. Lorsque nous traversions les déserts du Tibet, nous n'étions pas marioles. Et nous faisions des poires. Mais pensez, c'était la boostify qui manquait. Pas de restaurant dans ces immensités noires. Pas de Duval, pas de Chartier, pas de buffet. Pour calmer les cris de mes dents attentatoires, je songeais que mon boy était bien grassouillet. L'un de nous, bon tireur, couche un yak sur le sable. Un yak ! Voilà de quoi calmer notre estomac. Et sans tergiverser, nous nous mettons à table. Nous mangeâmes un quart de l'animal. Mais diable, le soir, nos cœurs battaient de façon effroyable. Ça devait arriver. C'est le mal du cardiaque. Vous avez un commentaire, Jean-François Toussaint? Sur le plan cardiovasculaire, je croise les doigts. Mais quand même, on a parlé du yak, et ce qui est étonnant dans l'étude que vous avez montrée, que vous avez menée, c'est que cette saturation des performances ne vaut pas que pour l'espèce humaine et ses sportifs, mais vaut pour les lévriers ou les chevaux de course que vous avez pu étudier. Donc plusieurs espèces sont en train de saturer. Les grenouilles. Qu'est-ce qu'elles font? Les grenouilles de Calavas. Qu'est-ce qu'elles font? Pareil, il y a un concours qui remonte aux années 30. Et toutes ces espèces qui sont sous une forme de pression humaine, puisque chaque éleveur va essayer de sélectionner progressivement les meilleurs représentants, gardant avec ses concurrents un petit écart hein, qui lui permettra de remporter éventuellement le titre l'année suivante. Tout ce qu'on voit ici sur les Grands Prix d'Amérique et de la même façon parmi les courses ou les affrontements dans les compétitions animales. Et tout cela date grosso modo et procède des mêmes impacts et des mêmes recherches. Celle de l'optimisation encore de la nutrition de ces espèces, des choix génétiques de génération en génération, de l'accompagnement, y compris médical, des chevaux de course ou des lévriers. Et donc en fait le principe est le même, c'est celui du développement des capacités d'un génome, celui de telle ou telle espèce, par le biais des connaissances qui sont partagées entre nous et entre la médecine et la médecine vétérinaire, entre la biologie et qu'on y inclut le dopage ou pas, peu importe. Ça en fait partie. Je rappelle que l'EPO, qui a quand même été un des grands moteurs de l'endurance, que ce soit dans le cyclisme, dans la course, etc., est mis au point dans les années 80 pour lutter contre l'anémie des patients en insuffisance rénale. C'est-à-dire quand vous avez un rein qui fonctionne plus, il ne produit plus cet EPO naturel, et donc on lui apporte pour que l'hémoglobine remonte et qu'on puisse continuer à transporter de l'oxygène. C'est encore une fonction d'optimisation. Finalement, de l'énergie. Et puis tout de suite, la physiologie chez les sportifs est la même que chez les malades. On est dans une distribution gaussienne des deux bouts. Donc ça veut dire que ce qui a été conçu pour réparer est utilisé pour augmenter. Non, ça augmente tout le monde. C'est bien ça l'idée. La mauvaise conception qu'on a du transhumanisme et de l'homme augmenté, qui était celle de votre introduction, c'est qu'on se dit « Ah ben on va dériver vers une espèce de transformation de l'espèce ». Pas du tout. Il n'y a aucune transformation actuelle, il n'y a pas la moindre preuve que le transhumanisme apporte qui permette de dire qu'on va changer les règles. Les règles, elles sont là, et la seule chose qu'on va faire, c'est de moduler un tout petit peu les choses, mais pour le reste, tout le programme qui est lancé, énoncé de façon avec trompette et tambour dans les médias, ne répond à rien qui soit scientifiquement prouvé actuellement pour les promesses qui sont faites, si ce n'est celle de tirer parti de la crédulité des gens et à ce moment-là d'avoir un détournement commercial dans lequel on voit très bien quels sont les effets habituels chez l'homme. J'ai oublié de dire en vous présentant que vous présidez la commission de prévention du Haut Conseil de la Santé publique. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? On entre dans la troisième partie de l'émission, on a parlé de la saturation, des performances, dans toutes sortes de domaines. Comment est-ce que vous voyez la suite, sachant qu'on est entré dans ce que Paul Crutzen appelle l'anthropocène, c'est-à-dire un environnement qui n'est plus de la nature, qui a été modifié de façon parfois très dommageable par l'activité humaine? Mais c'est toute la question de l'adaptation au très long terme, cette fois-ci. C'est celle de la façon dont on conçoit les phases de croissance, celles qui ont été les nôtres sur les 10 dernières générations. Globalement, sur les 2 siècles depuis l'invention de la machine à vapeur de James Watt en 1769, on a eu une utilisation de l'énergie qui a fait qu'on consomme maintenant 100 fois plus, c'est 2 ordres de grandeur d'énergie chaque jour, nous, ici présents, que ne le faisaient nos aïeux il y a 200, 300 ans. Donc cette dépendance-là, elle est en train de créer quoi ? Des bénéfices immédiats, c'est ceux sur lesquels on a bien vu cette augmentation des capacités, ces courbes de croissance, des records, augmentation de l'espérance de vie. Et en même temps, elle a créé des produits secondaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas de transformation, hein, et là encore, c'est vous, les physiciens, les chimistes, qui nous disent ce que sont les règles dans lequel le vivant s'inscrit, qui vont faire que si vous mettez du carbone, donc tous les carbone, du glucose, des acides gras, tout ce qui nous fait nos petits aliments, une fois que les microbactéries de nos intestins ont fini par les découper, en découpant ces petits morceaux de pommes, une fois qu'ils s'intègrent, le carbone qu'on a, on doit le coupler à l'oxygène et ça fait du CO2. C'est ce qu'on ne cesse de rejeter par nos poumons, par l'expiration à chacun de nos cycles respiratoires. Eh bien, on fait exactement la même chose depuis 200 ans. On prend du carbone dans les forêts anglaises d'abord, hein, qui sont ratiboisées au 19e siècle, puis dans les réserves de charbon, puis dans les réserves de pétrole et de gaz. Et c'est 80% de la production de l'énergie et 95%, si on regarde toute l'histoire de ce développement, 95% qui dépend de ce carbone brûlé avec de l'oxygène et donc couplé pour faire du CO2. Le problème, c'est que ce CO2-là, le temps de latence, et donc le temps de la réponse de système, on va qualifier de système complexe ou de système dissipatif, peu importe la théorie qui va aller derrière, finalement, la réponse de ces systèmes est extrêmement lente. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a tiré parti des bénéfices, et maintenant, alors qu'on est au plafond, ne cesse d'augmenter les effets secondaires, en particulier celui qui traduit cette augmentation du CO2, c'est celui de l'augmentation de la température moyenne du globe. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors vous avez dirigé une étude, organisé un colloque, en demandant à plusieurs spécialistes de répondre à la question « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ?» Et je vais lire trois lignes de l'introduction. Vous écrivez « Ce monde, l'homme l'a rendu nettement plus vivable pour lui-même en y augmentant son espérance de vie et en facilitant ses accès au garde-manger, à la fontaine municipale, aux médecins de famille, à la pompe à essence, au train de 9 heures et à ses redoutables emails. Ce faisant, il a d'un même geste multiplié par 100 sa facture énergétique, comme sa production de CO2 et de polluants, pillé les ressources halieutiques, érodé les terres arables, homogénéisé le vivant et peut-être mangé son pain blanc. » Ça laisse entendre que la suite de l'histoire ne va pas être aussi joyeuse. Le pain sera peut-être un petit peu moins blanc, c'est clair. Ces lignes que vous avez lues, on les avait écrites avec Bernard Swingedo qui est ici, avec Gilles Boeuf, avec tous ceux qui, sur ces questions, ont eu à un moment donné à réfléchir à ce qu'était leur fonction de développement dans leur spécialité, les fonctions de croissance et les limites qui étaient en train de surgir. Et le point auquel on était parvenu avec Jean-Claude Ameisen, avec Jacques Delors, donc faisant intervenir aussi des responsables politiques, l'ancien président de la Commission européenne, pour poser la question de ce que finalement il fallait retenir de ces évolutions et ce qu'il fallait anticiper pour éventuellement être capable de prendre des décisions à l'échelle nécessaire, nationale ou internationale, pour tenter de calmer ces vitesses de glissement que l'on voit apparaître. Ces points-là ont entre autres été soulevés par les premiers climatologues très tôt au XIXe siècle, mais renforcés par Jim Hansen notamment à partir des années 80, et ont abouti entre autres à cet énorme élan diplomatique de la COP21 il y a 2 ans et demi. À partir de là, les gouvernements se sont engagés, ont annoncé des intentions, ont mis en présence de la réalité économique et donc de ces engagements nécessaires vis-à-vis de leurs électeurs, la nécessité de garder des capacités de développement à un certain niveau et en même temps se rendant compte de cette évolution, de cette augmentation des contraintes, de tenter de réduire celle-ci. Ce que l'on voit 2 ans et demi après, c'est qu'on n'est pas du tout sur le chemin des intentions. On n'est pas. On est sur ce que le Club de Rome et le rapport de 72 avaient montré, lorsqu'il a été même réévalué 35 ans après, c'est « business as usual ». Donc on est en train de continuer sur notre lancée, on est sur notre trajectoire. Et la grande question, c'est de savoir si on peut modifier cette trajectoire. Est-ce que philosophiquement, est-ce que physiquement, est-ce que politiquement, est-ce qu'individuellement, on peut moduler ces grandes lois qui nous régissent. Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup d'activités diplomatiques, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'activités autres que diplomatiques. Très clairement, et il y a Léon, des crois, éléments. Il a un petit texte qui parle indirectement de ça. Il parle des maladies mondaines en posant la question de savoir si on peut les guérir. Voilà, bah, de toute façon, c'est toujours pour aider, quoi, si je peux apporter quelque chose de constructif. Voilà. Fait confiance. Bah, voilà. Vous viendrez. C'est bien. Mais je suis toujours aidé par Jean-Pierre Verheugen qui revient, entend ici que guérisseur ou rebouteux spécialisé en maladies mondaines. Soignant tout aussi bien les personnes atteintes de la courbette soutenue, avec séquelles dorsolombaires, que de l'ostéoporose du rond de jambe. L'enflure du flagornant majeur, les bouffées méliflues exponentielles, le syndrome du docteur Gourmet, le goitre du m'as-tu vu, le muguet de la bouche en cul de poule, les troubles du frétillement anal, la paralysie du petit doigt levé, avec ou sans tasse de thé à la main, le prurigo du ramenard, l'épanchement de la lèche baveuse, la protubérance du compassé interne, l'eczéma déclamatoire du laïus de circonstance, le mal du socle et le corps au piédestal, la fêterie en plaque, la bouffissure du mignard, les rehauts irrépressibles de l'autosatisfaction, l'acromégalie du crâneur, la stomatite du baisemain vieille France, les pertes fluentes du parler onctueux et avec 100% de réussite, sans la moindre complication post-magnétisme, le limbago du faillotage. Jean-François Toussaint, vous êtes médecin dans beaucoup de disciplines différentes. Est-ce que vous avez un remède contre la gastro-entérite du chichiteux ? Pas plus. Qui fait des ravages. Sur l'emphysème et sur l'hypertrophie du faillotage, là, j'avoue qu'il va falloir faire extrêmement attention à nos lombaires. Alors, l'homme peut-il s'adapter à lui-même ? C'est le sujet du colloque que vous avez organisé. Il y a une ambiguïté sur le mot adapter. Est-ce qu'il faut s'adapter, c'est-à-dire faire en sorte de prendre des mesures pour être adapté ? Ou est-ce que s'adapter, ça consiste simplement à dire que certains sont adaptés, d'autres ne le sont pas ? Clairement, si on revient sur l'idée de ce qu'est la sélection naturelle et si elle s'applique avant le vivant, et qu'elle dit à un moment donné, je continue à trouver les modules optimisés, ça veut dire effectivement qu'à un moment donné, les circonstances qui vont changer vont sélectionner les espèces, les groupes, les façons d'appréhender le vivant qui seront ou qui ne seront pas capables de pérenniser leur avenir. Et leur parcours sera déterminé par cette question-là, et seulement celle-là. Est-ce que on est, par exemple, dans un monde à 4 degrés, capable de tenir encore, alors que, par exemple, les productions agricoles dans les canicules... 4 degrés d'augmentation de température. 4 degrés de plus. Oui. À l'horizon 2100, qui était l'une des questions et l'une des évolutions qui était redoutée et non discutée à la COP21. C'est-à-dire qu'on a dit à partir de là, c'est 2 degrés, et puis on va essayer de tenir en dessous, si possible, à 1,5. Le 1,5, on y sera en 2025, dans 7 ans, possiblement. C'est vous dire à quel point on se met le doigt dans l'œil, jusqu'à l'hypertrophie du fondement, mais en tout cas avec des effets qui vont être totalement décalé par rapport à ce qui était anticipé sur le plan des réflexions de politique publique. Et donc, l'espèce aura, elle aussi, à trouver des conditions, et on étudie, dans les capacités de performance, comme on étudie chez les sujets, dans la population générale, les effets de ces grandes variations brutales, à la fois les événements extrêmes, la vitesse de changement, on a un petit peu connu ces dernières semaines, mais pas trop finalement, et surtout les moments dans lesquels ces canicules vont s'imposer. On voit que dans le grand froid comme dans le grand chaud, on a beaucoup plus de mal à tenir, et en particulier parce qu'on n'a pas d'éléments à l'intérieur, si ce n'est les éléments externes, la climatisation, mais qui elle-même va renforcer la consommation énergétique, etc., pour résister aux grandes vagues de chaleur. Et ça se traduit par 35 000 décès supplémentaires en 2003, juste pour 15 jours d'élévation thermique entre fin juillet et mi-août 2003. Sur toute l'Europe, sur la Russie en 2010, sur les États-Unis en 2010, à 12, à chaque fois, on voit ces mêmes effets. Et donc, on sent bien là qu'il y a quelque chose qui, à l'intérieur de l'ensemble de ce système complexe, qui est le corps humain, on aura des possibilités ou pas. Ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, la forme d'adaptation est de se dire, ben, je vais refuser les zones les plus exposées, donc je remonte au nord, comme le fait le reste du vivant. Je remonte au nord, mais à combien on se retrouve, donc du coup, sur le cercle arctique, où je vous le rappelle, il faisait plus chaud la semaine dernière que n'était la température à Paris. Donc, on a bien des aspects dans lesquels ces bouleversements, ces dérégulations, ces dérèglements climatiques sont en train de se produire, mais qui ne sont juste que l'un des aspects des grands changements qui s'imposent aux vivants et dans la très très fine couche, finalement, dans laquelle se situe le vivant terrestre. Il y a à peu près 15 km d'épaisseur, ça fait rien du tout. C'est une toute petite zone adaptée au vivant, adaptée à ces formes complexes d'utilisation de l'énergie et qui vont, à ce moment-là, permettre ou pas de développer des options. Si option il n'y a pas, compte tenu de notre génome, compte tenu de nos difficultés dans ce qui concerne notre thermorégulation, compte tenu de notre adaptation à certaines températures et pas à d'autres, effectivement, on pourra se demander à quel point et combien nous serons au terme de cette évolution majeure du climat. Je redis à nouveau que pour la biodiversité, pour les effondrements, pour cette fameuse sixième extinction dont vous parliez tout à l'heure, on est sur des constats qui montrent que cette accélération, là encore, est du même ordre de grandeur que l'énergie, c'est-à-dire de 1 à 2 ordres de grandeur plus rapide que celle, parfois 3, certains pensent que ça peut aller 1000 fois plus vite. Mais en tout cas, on voit que des espèces n'arrivent plus à suivre ce rythme qui a été imposé par les changements techniques et les effets secondaires de ces techniques par l'homme. Et donc on est sur des questions qui se posent dans les mêmes termes. La sixième extinction, est-ce qu'on fait partie de la charrette ou pas ? Est-ce qu'on a les moyens de moduler, de conduire la charrette, d'interrompre son parcours? Est-ce qu'on a sur ces aspects-là des effets qui soient, à un moment donné, capables de réintervenir et de réenclencher? C'est toute la question qui se pose actuellement. J'ai l'impression que ce dont vous parlez sans dire le mot, c'est que vous prévoyez une sorte d'effondrement, au moins de la démographie. Mais en tout cas, ce que l'on voit actuellement, si on veut revenir à ce qu'en ont pensé certains de nos prédécesseurs, c'est bien la dernière partie des grands mythes. Prométhée, la levée des tabous, l'arbre de la connaissance. On voit que sur chacune de ces limites-là, on pose le doigt actuellement et que nous sommes probablement la première génération à ouvrir les yeux sur cette possibilité, voire sur cette démonstration. Le pire, par la science. C'est-à-dire que les effets qui sont montrés viennent de ceux qui ont poussé le plus avant leur réflexion et utilisé les outils les plus compliqués pour tenter de faire ces démonstrations. Et l'une des réponses actuelles de la science est de dire plafond, limite. C'est pour ça que beaucoup nient ce résultat, ne veulent pas en entendre parler, et donc refusent dans les programmes de pouvoir subventionner des réflexions autour de cela, et de dépenser de l'argent sur réfléchir à la mort possible de notre groupe. Il faut bien pourtant que sur le plan philosophique, comme sur le plan politique, comme sur le plan scientifique, qu'on soit capable à un moment donné d'oser envisager cette possibilité, de la regarder les yeux dans les yeux, et de dire à partir de là, sommes-nous capables de modifier cette trajectoire? Et si c'est le cas, parce qu'il reste peut-être une petite porte, alors à ce moment-là, c'est des solutions sans regret. Il faut y aller à fond et il faut se dire que là est notre option. Mais est-ce qu'il faut agir sur nos organismes ou sur l'environnement? Vous allez me dire les deux. Les deux. Mais quelles sont les marges de manœuvre pour l'un et pour l'autre? Pour l'organisme, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer à cela? Et pour l'environnement, quelles sont, à part la réduction de la consommation d'énergie fossile, la possibilité qui nous reste? Très clairement, ce que dit le GIEC actuellement, mais on voit bien que ce sont les scénarios qui permettront d'envisager l'avenir. On voit bien que ces effets-là posent la date de péremption éventuellement. 10, 50 générations, 2 siècles, 1 millénaire. Voilà, est-ce qu'on met ces chiffres-là quelque part? Est-ce qu'on en fait des programmes de réflexion? Le GIEC le dit très clairement. Si on sort, et il ne décrit plus ce qui se passe après, si on sort de certains de ces clous d'adaptation, bon, eh ben, à l'horizon 2, il y aura plus personne pour signer le certificat. Mais le point principal sur les options à venir est aussi de se dire, il faut que sur le temps de la science, on se dépêche d'intégrer. Donc, on accélère nos façons de travailler en interdisciplinarité, aller chercher les connaissances de la science en physique, en chimie, en biologie. Mais c'est ce que vous avez fait dans ce colloque, et ce qui est assez étrange, c'est que quand on cumule les messages en provenance de différentes disciplines, le fait de les mettre ensemble aggrave l'analyse de la situation. Si on en prenait qu'un seul. C'est la perspective qui est douloureuse. C'est-à-dire que si, et c'était ça le point de départ, si on voit que ces plafonds sont en train de survenir et qu'ils sont partagés par tous, en agriculture, sur la biodiversité, si on voit que ces accélérations sont en train de se mettre en place, effectivement, le premier temps, et ça a duré 3 ans chez moi, c'est de se dire, ça va être un petit peu difficile. Une fois qu'on sort de cette phase-là, comme toujours sur les cycles de psychologie adaptative, on remonte et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? On sait finalement tous que la fin, à un moment donné, surviendra pour notre corps individuellement. On en est totalement conscient. Donc on a plusieurs façons de se dire, bon, bah, c'est foutu, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Elle est très pessimiste, celle-là, elle est triste, elle a pas d'intérêt. Si au contraire, on se dit, il y a une façon de retenir, de relever la tête, de relever le gant, de comprendre et d'agir, même si c'est agir sur des effets et de leviers insuffisants, à ce moment-là, il faut le prendre. Et il faut être beaucoup plus sur une capacité joyeuse, consciente, pleinement consciente, mais joyeuse, de la façon d'interpréter ces points. Il faut garder la tête sur les épaules, n'est-ce pas, Léon? C'est ça, voilà, je pense qu'on est sur des personnes qui ont su garder la tête haute à leur façon. Alors, on n'est pas sur de l'homme augmenté, là, ça serait plutôt une certaine espèce d'homme diminué, puisque rétréci. C'est... Rétréci. Rétréci, ce serait peut-être plus ça, oui. Les 4, sans coup. Ils étaient 4, qui n'avaient plus de tête. 4 à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 4 sans cou. Quand ils buvaient un verre au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant. Et tous quatre, chantant et sanglotant, quand ils aimaient, c'était du sang. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils dormaient, c'était sans regret. Quand ils travaillaient, c'était méchant. Quand ils rôdaient, c'était effrayant. Quand ils jouaient, c'était différent. Quand ils jouaient, c'était comme tout le monde, comme vous et moi, vous et nous, et tous les autres. Quand ils jouaient, c'était étonnant. Mais quand ils parlaient, c'était d'amour. Ils auraient, pour un baiser, donné ce qui leur restait de sang. Leurs mains avaient des lignes sans nombre, qui se perdaient parmi les ombres comme des rails dans la forêt. Quand ils s'asseyaient, c'était plus majestueux que des rois. Et les idoles se cachaient derrière leur croix quand devant elles, ils passaient, droits. On leur avait rapporté leur tête plus de 20 fois, plus de 100 fois, les ayant retrouvés à la chasse ou dans les fêtes. Mais jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux, où les souvenirs dormaient dans leur cervelle. Cela ne faisait peut-être pas l'affaire des chapeliers et des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Les 400 coups vivent encore, c'est certain. J'en connais au moins un, et peut-être aussi les 3 autres. Le premier, c'est Anatole. Le second, c'est Croquignol. Le troisième, c'est Barbemolle. Le quatrième, c'est encore Anatole. Je les vois de moins en moins, car c'est déprimant à la fin, la fréquentation des gens trop malins. Les 400 coups de Robert Desnos, alors Robert Desnos, que personnellement j'aime beaucoup, a dit une chose qui ressemble un peu à cette idée de la limite qu'évoquait Jean-François Toussaint. Il a dit les verrous sont poussés au pays des merveilles. Une sorte de saturation. C'est la petite porte. Le pays des merveilles, c'est Alice qui grandit et qui est plus adaptée finalement au monde qui l'a entourée. C'est aussi l'idée de ces limites de la progression, de la connaissance. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, dans leur fonctionnement, les sciences sont en train de nous dire ce que représente la parabole de la reine rouge de Lewis Carroll. Je l'explique très simplement. Toujours courir pour rester toujours à la même place, mais toujours courir plus vite. Parce qu'en fait, le monde autour de nous s'adapte, change, évolue. Et nous devons évoluer à la vitesse à laquelle le monde nous propose ces retours de bâton. Mais j'imagine que le médecin que vous êtes, avec d'autres, a défini ce qu'on pourrait appeler des indicateurs de santé pour l'humanité. Est-ce qu'on peut mesurer l'état de santé de l'humanité? Et l'ayant ainsi défini, est-ce qu'on peut voir l'effet sur cette santé de l'humanité des modifications que vous évoquez dans l'environnement? Ce qui est un petit peu, effectivement, à la fois étrange et désolant, parce que ce sont les grands indicateurs qu'on vient de balayer, c'est-à-dire la taille, l'espérance de vie. L'espérance de vie en bonne santé, mais qui est un indicateur très flou, en fait, qu'on précise mal, mais juste la durée de vie est en soi la réponse qu'on est en capacité de proposer là-dessus. Mais si on a, à un moment donné, une capacité aussi à se dire que, si c'est le cas, et si ça a toujours été de tout temps, Camus nous disait qu'il fallait toujours et inlassablement repousser d'absurdes limites. D'abord, je ne sais pas si elles sont si absurdes que ça. Elles ont des vraies réalités. Elles sont ces interactions entre les différents facteurs du vivant. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il nous disait, il faut considérer Sisyphe heureux. Donc Sisyphe, au bas de la montagne, remontant chaque jour son rocher parce que sa trajectoire est ainsi programmée, prévue, faite, et qu'il voit ce rocher échapper chaque soir et qu'il doit recommencer. Il faut le considérer au moment où il voit le rocher des vallées, il faut encore avoir cette espèce d'espoir, d'optimisme et de dire « Eh ben c'est pas grave, même pas mal, soyons heureux ». Et on a une chanson au carnaval de Dunkerque qui est toujours sur cet aspect-là et qui vient dire « La fumée de nos usines nous rend tous tuberculeux, on s'en fout, on a bonne mine, on est des carnavaleux, soyons heureux, soyons heureux, soyons heureux ». C'est des points sur lesquels la méthode Coué, qui est quand même une des fonctions essentielles de l'entretien rituel de l'espérance chez l'homme, va petit à petit par le biais de ses fêtes, par le biais de ces espèces d'explosions des groupes, des villes, des communautés, retrouver des capacités d'oubli de la sanction dont on est tous conscients et dont on a toujours été conscients. Là, maintenant, la seule chose, et c'est une des questions de philosophie, c'est est-ce que la philosophie qui sert à accepter la mort est aussi capable de résoudre une des questions qui est la potentielle extinction de l'espèce. Ça, c'est pas certain. Mais en tout cas, c'est une question à reposer. Je veux en revenir à nos marges de manœuvre. Est-ce que on parle beaucoup d'épigénétique aujourd'hui, le fait que l'activité des gènes, non pas les gènes eux-mêmes, mais leur activité peut être modulée par des comportements, est-ce que c'est un levier sur lequel on peut compter pour certains cas ? Et l'épigénétique, c'est le résultat de la pression de l'environnement sur une modulation très brève du génome sur une ou deux générations. On le voit sur l'ensemble des expériences qui sont faites. On l'a vu chez l'homme aussi, hein, en 44, les grandes famines d'Amsterdam. On a des impressions très claires de ce que sont les fonctions, les relations en présence, déjà actuellement. Donc elles sont là de tout temps, de toute éternité, si j'ose dire, elles sont présentes. L'épigénétique est juste une nouvelle découverte que l'on fait, c'est pas un nouveau mécanisme qu'on va pouvoir actionner. Il était là, présent, depuis très longtemps. Donc, on comprend mieux les choses, on accepte beaucoup moins bien, par contre, et donc là aussi, il y a un effet sur lequel il va falloir travailler, comprendre et postuler que certaines, néanmoins, certaines découvertes puissent être, à un moment donné, celles d'un changement. La version générale qu'on peut en avoir est effectivement pas forcément très simple sur l'évolution de ces capacités, mais en tout cas, s'il en reste une, c'est bien, et j'y reviendrai à chaque fois, celle de maintenir ouvert les yeux, de maintenir notre capacité d'étonnement, d'oser regarder le monde et d'oser l'admirer dans toute sa beauté, parce qu'il reste celui qui nous a amené, il reste finalement ce qu'il nous a été permis de vivre pendant tout ce temps, d'une étincelle incroyable qui résulte de ce croisement de la complexité et de la lucidité, d'arriver autour de ces moyens à apprécier encore la beauté d'un geste d'un musicien, d'un sportif, d'un cuisinier, toute cette œuvre qui est capable à un moment donné résumer les grands moments de l'espèce humaine, sont encore à la hauteur. Et puis, peut-être pour conclure, celle de cette capacité à maintenir ces oscillations, ces pulsations, ces forces que l'univers nous a confiées, est l'une des pulsations principales, celle de l'amour, dont on est encore capable parfois, encore, de subir l'effet. Et c'est celle que Jacques Brel va résumer dans ce texte admirable, Orly, dans lequel il dira « Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle ». Et il dit ensuite « Et voilà qu'elle se retourne ». Elle se retourne encore, ses bras vont jusqu'à terre. Ça y est, elle a 1000 ans. C'est la réponse au transhumanisme de Jacques Brel. Magnifique. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, en public au Théâtre de l'Odéon, avec la collaboration de Cyril Baer, et à la technique pour Radio France, Andreas Jaffray et Thomas Robin, et pour l'Odéon à la régie Pascal Bramy, pour le son Jean-Philippe François, et le responsable de salle était Loris Marty. Et le tout a été fait avec la réalisation de François Connac. C'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.